aventurier. Il ne l'était pas. Ils étaient deux amis comme on n'en voit pas, qui bousculaient les déserts, traversaient les mers, qui aimaient vivre, vivre, vivre, vivre, vivre. Aventurier, être libre, libre, libre, libre, libre. Aventurier, il ne l'était pas, et le monde éclatait au creux de leurs bras. Si leur rêve s'effondrait, d'autres les remplaçaient. Ils voulaient vivre, vivre, vivre, vivre, vivre.